Let's stop there for a moment and concentrate on Hélène's question to the serveuse or waitress. Est-ce qu'il y a une librairie par ici? This is a useful construction when asking for directions. Par exemple, est-ce qu'il y a une banque par ici? Is there a bank around here? Est-ce qu'il y a un supermarché par ici? Is there a supermarket around here? Est-ce qu'il y a une boulangerie par ici? Is there a baker's around here? Est-ce qu'il y a un téléphone par ici? Is there a telephone around here? Est-ce qu'il y a un bureau de poste par ici? Is there a post office around here? Incidentally, you can always say just la poste when you're referring to the post office in the more general sense of the postal services. Par exemple, où est la poste? Where is the post office? Où est la poste? Or, est-ce que la poste est par ici? Another useful phrase similar to par ici, round here, is près d'ici, near here. Un exemple. Est-ce qu'il y a une banque près d'ici? Is there a bank near here? Un autre exemple. Another example. Est-ce qu'il y a une boulangerie près d'ici? Is there a baker's near here?